Le rendez-vous des permanentes et membres de l'Union des femmes avec un vétéran de guerre consacré au 85e anniversaire de la fondation de l'héroïque armée populaire de Corée s'est déroulé le 21 courant à la Maison des femmes à Pyongyang. Y ont pris part la présidente du comité central de l'Union des femmes, Jang Chun-sil, les permanentes et membres de l'Union. Chu Jae-hyun, vétéran de guerre, a dit que la Corée a repoussé les impérialistes américains et créé le mythe de la victoire dans la dernière guerre de libération de la patrie, et accompli de siècle en siècle les victoires dans la confrontation anti-impérialiste et anti-américaine grâce au président Kim Il-sung et au général Kim Jong-il. Il a prié les permanentes et membres de l'Union des femmes de défendre à outrance la direction de la révolution avec la grande fierté nationale d'être guidés de génération en génération par les éminents leaders et de faire briller à jamais l'histoire et la tradition de la victoire de la Corée du Sud.